Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 95. De la grâce et de la justice dans Adam. Adam était créé dans l'état surnaturel de la grâce. Avait-il des passions? Avait-il toutes les vertus? Quel était le mérite de ses actions? 1. Adam a-t-il été créé dans l'état de la grâce? Adam a été créé, non dans l'état de pure nature, mais dans l'état de la grâce. Cette condition paraît en harmonie avec la rectitude de l'état d'innocence dans lequel Dieu fit l'homme droit, pour parler avec l'Écriture. Ecclésiaste 7, 29. La raison était soumise à Dieu. Les puissances inférieures étaient soumises à l'âme, le corps était soumis aux puissances inférieures. La première soumission était la cause de la seconde de la troisième. Peut-on facilement supposer que cette dépendance du corps par rapport à l'âme, des puissances inférieures par rapport à la raison, de la raison par rapport à Dieu, n'avait pas un autre principe que la nature? Pourquoi donc, s'il en était ainsi, cet ordre n'a-t-il pas encore subsisté après le péché? Dans les démons eux-mêmes, les dons naturels ont survécu à leur chute. Soyons assurés que cette première soumission de la raison à Dieu avait pour principe un don surnaturel de la grâce, et non la nature seule. Note. Après la violation du précepte divin, Adam et Ève rougirent de leur nudité et sentirent se révolter leur chair devenue désobéissante, nouvelle preuve que c'était la grâce qui soumettait la partie inférieure à la raison. Aussitôt qu'elle se fut retirée, la chair refusa l'obéissance à l'âme. Fin de la note. 2. Adam a-t-il éprouvé les passions de l'âme? Les passions qui fuient le mal, comme la crainte, la douleur et autres semblables, n'étaient point dans Adam avant son péché, car il n'était ni atteint, ni menacé par le mal. Mais les passions qui se rapportent à un bien présent, comme la joie et l'amour, ou à un bien futur, comme le désir et l'espérance, existaient dans l'état d'innocence. Elles ne prévenaient pas, comme en nous, le jugement de la raison pour l'empêcher, elle le secondait, au contraire. L'appétit inférieur obéissant absolument à la raison, aucune passion n'existait que par un ordre de la raison elle-même. 3. Adam a-t-il toutes les vertus? Dans l'état d'innocence, Adam avait en quelque sorte toutes les vertus, on a pu le voir par ce qui précède. Puisque sa raison était soumise à Dieu, et ses facultés inférieures à la raison. Les vertus qui n'admettent aucune imperfection, comme la charité et la justice, existèrent en lui absolument. Celles qui supposent quelque imperfection non compatible avec l'état d'innocence, par exemple, la pénitence, la miséricorde, il les eut en germe, dans le sens que, l'occasion étant donnée, il les aurait pratiquées. 4. Les œuvres d'Adam avaient-elles moins d'efficacité pour le mérite que les nôtres? Les œuvres d'Adam étaient plus efficacement méritoires que les nôtres, si nous jugeons de la grandeur du mérite par la grandeur de la grâce, car, avant le péché, l'homme avait une mesure de grâce d'autant plus grande que la nature humaine n'y opposait aucun obstacle. Il faut en dire autant si on considère la valeur absolue des œuvres. Ayant plus de puissance pour le bien, l'homme aurait fait de plus grandes œuvres. Mais si on considère la valeur relative des actions, on trouve, après le péché, une plus grande cause de mérite, à raison de notre infirmité. Ainsi la veuve qui mit deux petites pièces de monnaie dans le trésor fit, absolument parlant, une œuvre moindre que ceux qui y déposèrent de riches offrandes, mais,